Tanto. Que mal, o motor, ¿no? A la ayuda de su sujeción. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous-Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse de tous les semaines à partir de souspressionpunk.com et qui est enregistrée à Ottawa, territoire algonquin non cédé. Vous pouvez aussi, comme je disais tous les semaines, écouter l'émission à partir du CHUO 89,1 FM à Ottawa et le CIVR 103,5 FM à Yellowknife. Et moi c'est Mathieu, je vais être avec vous, je vais faire jouer comme à tous les semaines du punk majoritairement en français. Et on va commencer avec du Action Sédition cette semaine, de leur split avec le groupe Streets of Rage, le morceau La Haine. Mais avant de faire ça, juste une petite annonce concernant notre présence sur les ondes de CHUO 89,1 FM. Il y a eu un petit changement à l'horaire, à la grille horaire de la station CHUO. En ce moment, si vous écoutez en ondes à CHUO, vous nous écoutez entre, je pense, 11h le soir, 23h les mardis soirs. Ben là, à partir du 8 mai, on sera en onde. On sera plus en onde le mardi soir, on sera en onde mercredi après-midi à 15h. Alors, si jamais vous quittez le travail un peu tôt, vous allez pouvoir écouter Sous Pression dans votre voiture en vous rendant chez vous ou je sais pas où vous allez après le travail. Mais c'est ça, alors dans une couple de semaines, mais entre-temps, vous pouvez toujours écouter l'émission à CHUO à 11h le mardi soir. Et bien sûr, à partir de souspressionpunk.com. La chanson en arrière-plan finit, alors on continue avec du Action Sédition à Sous-Pression. Tous, que nous ne sommes des amis, dont la même

naufrage de la BAC. Mais Anard l'a fait défendu avant de lancer des coups de matraque. Jeunesse, fichier, direct en GAV. Jeunesse, fichier. Yeah. Salut, on a commencé le bloc avec du Action Sédition, de leur split avec Streets of Rage, c'était le morceau La Haine, du Brigada Floris Magon après ça, de l'album Tout pour tous, c'était Bienvenue en Enfer, les 3-8 avec Jeunesse Fichée tiré de leur split avec les Partisans, et on vient d'écouter Collision, de leur premier démo, c'est un petit EP, s'appelle La Vie s'échappe, on a écouté le morceau Dans la glace, très très très excellent EP, j'étais bien surpris et bien content d'avoir découvert ça. Alors on va continuer en musique avec du Capable, le groupe, parlant de bons hippies, le groupe ont sorti leur hippie Hot Dog Chicane, je pense, l'année passée. On va écouter le morceau Rue Saint-Laurent dimanche matin, alors une petite leçon sur... c'est une chanson qui essaie de nous apprendre l'importance de recycler, de ramasser nos vidanges et de pas les picher par terre. Alors voici du Capable, sous pression. Dans Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Soul and Spirit de leur EP Une Allumette, sorti en 2012. C'était le morceau Tension. La gâchette avant ça, de leur split avec Moonstomp. On a écouté le morceau Montréal et on a commencé le bloc avec du Capable de leur EP Hot Dog Chicken. On a écouté le morceau Rue Saint-Laurent dimanche matin. Alors là, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle, comme je fais toutes les semaines, on est sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Ou bien, faites juste une recherche. Pour sous pression, cliquez j'aime et là vous savez comment ça marche. Si vous voulez contacter par courriel, c'est le info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. Alors commentaires, musique, demandes spéciales, des plaintes, n'importe quoi, envoyez-nous un message. C'est toujours le fun de communiquer avec du monde. Et ouais, c'est ça, là on est rendu au moment de l'émission où à chaque semaine on fait le bloc sono mondial. Alors on sort un peu de la francophonie et on va voir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Cette semaine, on s'en va à Boston, un groupe dont je connais très peu de détails, mais qu'on m'a fait connaître au courant de la dernière semaine. C'est Randy du label Rebel Time Records qui m'a fait connaître ça. C'est le groupe Battery March. Alors, ils ont sorti un démo cette année et c'est vraiment bon. Je vais faire jouer deux de leurs morceaux. Le premier et le dernier morceau de leur démo, le morceau No Good Cops et le morceau The Hand on the Trigger. Et après ça, je vais faire jouer un troisième morceau par le groupe Battery parce qu'ils ont sur leur démo une chanson en français, c'est une reprise de Camera Silence, le morceau Réalité. Un morceau qui a été repris à plusieurs reprises par plusieurs groupes, mais juste parce que c'est une vraiment bonne chanson. Alors c'est vraiment bien fait, j'étais impressionné par un groupe de Boston qui ont fait une chanson en français. Alors je vais faire jouer ces deux morceaux-là de Battery March, No Good Cops et The Hand on the Trigger. Ensuite on écoutera leur version de Réalité par Camera Silence. Alors vous voici Battery March à sous pression. c'était No Good Cop, c'est The Hand on the Trigger par Battery March. On continue avec une autre chanson de Battery March, du Camera Silence version Boston. Voici Réalité. We'll be right back. lâcher le rock'n'roll. Pas me tuer. We'll be right back. Bon, bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Brutal Chéri de leur album Antisocial et Brutal. C'était le morceau Aucun Sens. Du Bye Bye Teresa avant ça avec Maudite Ray-Ban. Les Prostituées de leur album Sex en Stéréo. On a écouté Rock'n'Roll à chier. Du Sordid Ship avant ça avec Par les Deux Bouts, Impact avec une reprise de Caméra Silène. C'était le morceau Pour la Gloire de leur album Légende Urbain. Et on a commencé le bloc avec une autre reprise de Caméra Silène. C'était le morceau Réalité par le groupe de Boston, Battery March. Alors c'est ça, on va vous laisser avec un dernier morceau. Je vais vous laisser avec du Fortune Cookie Club de leur album Les Chansons de la Honte. On va écouter le morceau Ma Scolarité Déficiente. Fortune Cookie Club ont sorti cet album-là. C'est un genre un album de chansons qui n'ont pas encore été sorties. Des versions de chansons qui ont été sur d'autres albums, mais des versions différentes, mais en tout cas. Vous comprenez. On va vous laisser avec ça, Ma Scolarité Déficiente par Fortune Cookie Club à Sous Pression. Passez une excellente semaine. Mon filet, mes idées, oh oh.